l'essentiel de l'actualité. Philippe Fournier. Bonjour, bonjour à tous. La canicule continue de sévir et les températures les plus élevées sont attendues cet après-midi, mais aussi demain, avec une augmentation de la pollution à l'ozone, notamment dans la région parisienne, le sud et l'est, qui va entraîner des restrictions de la circulation automobile. Après une journée d'hier encore très chaude sur la majeure partie du pays, particulièrement la moitié sud, avec 36 degrés du côté de Bordeaux, Lyon et Marseille, relevés vers 16h hier, ou encore 37 degrés à Béziers ou Perpignan vers 15h. Cet après-midi sont attendus 36 degrés du côté de Toulouse et 37 à Bordeaux. Demain, 36 degrés sont prévus pour Paris ou encore à Lyon. Les consultations dans les services d'urgence en lien avec la canicule sont relativement faibles, signe que les messages de prévention sont pris en compte. C'est félicité hier la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui s'exprimait à l'issue d'une visite aux urgences pédiatriques de l'hôpital Necker à Paris. Car sixième incendie, le plus meurtrier de l'histoire de la Californie, a fait un septième mort, un monteur de lignes électriques. C'est ce qu'ont annoncé les autorités locales. Les équipes de secours de l'Indonésie se pressent au milieu des ruines pour secourir des survivants d'un puissant séisme qui a fait au moins 91 morts sur l'île touristique de Lombok, une semaine seulement après un autre tremblement de terre meurtrier. L'Arabie Saoudite annonce qu'elle avait décidé d'expulser l'ambassadeur du Canada à Riyad et de geler toute relation commerciale en réplique aux critiques répétées d'Ottawa sur la répression des militants de droits de l'homme. Le royaume saoudien a donné 24 heures aux diplomates canadiens pour quitter le pays et rappelle son ambassadeur au Canada pour consultation dans un soudain durcissement des relations entre les deux pays. Prenez votre boussole, sortez les lunettes de soleil et mettez votre chèche du 3 au 10 novembre prochain. Nous vous ferons découvrir le Gazelle & Men Rally. Chaque jour, matin et soir, je vous ferai découvrir les coulisses, les moments de joie, les galères, mais aussi je vous dresserai les portraits de ces femmes et de ces hommes engagés dans cette belle aventure. Écoutez, Espace, la plus normande des radios. He's been coming to me hard like a killer mafioso. And I've been seeing stars, such a Raymond, Nicky, Pretty Bongo. No, we ain't slowing down, cause you got me begging, begging mucho. Give it to me. Give it to me, give it to me. And tell me what you need, boy, I'ma give it to you right now. Keep pushing on my body, body, cause you know I never back down. Cause I'm a bad, bad, bad, bad. You can have me, you got that for days. Cause I'm a bad, bad, bad, bad. You can have me, you got that for days. Cause I'm a bad, bad, bad, bad. You can have me, you got that for days. Cause I'm a bad, bad, Menachem Ashkaru Maranske. Yes. Den chumeim sirtem yanke. Lurtanshvume hokis arites. Arites. Tête dans le sable quand j'essaie de me lever. J'entends le daron me dire ouais, t'as ça dans les veines mon petit. Je le vois quand tu montes sur la scène. Et pendant tout ce temps là mes lunettes cachent mes cernes. À vrai dire j'observe depuis toujours. J'apprends quand tu tousses. J'entends mais je fais le sourd. Ah, you hear me? Mr. Super Socko. Suits and coupes and Morocco. While we keep a gangster, I move like a vato. I am the king, you're the queen of my castle. Give you everything if I got to. Yeah, I know you love me like French toast. Pacific Coast moving in the drop coast. You put your makeup on, I gotta drive slow. Then I was born, I was torn Barcelona. Fly to Vegas, got a meeting with the owner. We can get the penthouse if you want to. I know the bullshit we've been through, make us stronger. If I get down on one knee, would you come back to me? Baby, we should talk about starting a family. Actually, we could talk about the ring size. MGM, Manny G, fight, sitting ringside. Si seulement tu savais, tes larmes j'en ai versé. Je suis un étranger, faut deux fois plus prouver. Maman ne m'a pas couvé, j'aurais pu me sauver. Sans ça s'éprouver, l'impression d'étouffer. Je viens d'ailleurs, j'apprends sur tes. Je ne cesse de commettre les mêmes erreurs. Pourquoi ma musique transperce tes cœurs? Parce que la vie ne nous a pas fait de fleurs. Certains m'ont prédit un avenir cagoulé. Car je t'ai pas doué. Malgré le taf, ils veulent pas avouer. Et tu nous parles de toutes tes valeurs, tes peines, tes malheurs. Rien sur moi, donc on crée des rumeurs. J'ai tendu la main, toujours pas d'ascenseur. Je n'attendais rien, j'ai déjà l'essentiel. Des fêtes de Muy organise sa foire à tout le dimanche 19 août. Rendez-vous sur le stade de foot de 5h à 18h. De nombreux exposants pour le plus grand plaisir de tous les chineurs. Inscription auprès du Café de la Poste jusqu'au vendredi 17 août, du lundi au dimanche, de 8h à 20h, fermé le mercredi. Restauration sur place. La foire à tout du comité des fêtes de Muy le dimanche 19 août sur le stade de foot. Un événement avec espace. Eh, hey, salut, ça va? Eh, hey, je recherche une auto-école, t'as un plan? Ouais, j'en ai un, va chez Laurette. Quoi? Hein? Quoi? Mais chez Laurette? Mais pourquoi? Elle en connaît une? Eh non, chez Laurette, c'est l'auto-école justement. Ah ouais, ok, super, merci. Oh, bah, je vais voir Laurette tout de suite alors, hein. Chez Laurette Auto-École à Pont-Audemer, rue des Déportés. Permis B+, AAC, conduite accompagnée à partir de 15 ans, permis AM, scooter à partir de 14 ans, et maintenant permis sur voiture automatique et pour les personnes à mobilité réduite. Plus d'infos sur le site de chezlaurette-autoécole.fr. Chez Laurette Auto-École, c'est aussi à Beuzeville et à Montfort-sur-Risle. Chez Laurette! 02 32 42 59 14 du mardi au vendredi de 14h à 19h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h. Eh oui, Même pendant l'été, Citroën Select, véhicule d'occasion, reste toujours à vos côtés. Avec Citroën Ensign, profitez de 3 ans de garantie offerte sur Citroën C3, C3 Picasso et C3 Aircross d'occasion. Citroën. Saga Citroën à Gisors, 156 rue de la Libération, ou à Gournay-en-Bray, 100 avenue du Général Leclerc. Une équipe de professionnels à votre écoute toute l'année. Offre valable pour toute commande d'un véhicule d'occasion éligible jusqu'au 31 août, réservée aux particuliers. Détails sur citroënselect.fr. Retour des meilleurs tubes. Dans quelques secondes. Sur Espace. Château Gaillard, l'incontournable forteresse de Normandie. Venez découvrir le château de Richard Cœur de Lion, aux Andelys. Véritable exploit de construction du Moyen-Âge. Château Gaillard vous dévoilera son histoire, ses secrets, et vous séduira par son panorama exceptionnel sur la Seine. Rejoignez les visites guidées, proposées tous les jours à 11h30, 14h30, 16h30 et revivez l'âge d'or du Moyen-Âge en participant aux animations. Château Gaillard aux Andelys, ouvert tous les jours sauf le mardi. Renseignements au 02 32 51 39 60 www.nouvelle-normandie-tourisme.fr. Écoutez maintenant Espace en Normandie. Well, if you told me you were drowning, I would not lend a hand. I've seen your face before, my friend, but I don't know if you know who I am. Well, I was there, I saw what you did. I saw it with my own two eyes. So you can wipe off that grin. I know where you've been. It's all been bad lies. Let me carry you home. precious time. Precious time. To stumble till they find a little peace of mind. Just show me the real you so that I can feel you. I promise I won't let you down. Just show me the real you so that I can feel you. I promise I won't let you down. Let me carry you home. Let me carry you home. When you're tired and you're weary and you have no strength to go on, let me carry you home. Let me carry you home. De son, plus de tubes. Point final, t'as semé sans sonner des points d'interrogation. Je passe mon temps à les escalader, toutes ces montagnes de questions. Toi, ma beauté, mon addiction, je rejoue notre partition. Je coupe les refrains. Oh, tu dis que je suis coupable, je mets mes fausses notes sur la table. Si tu reviens, oublie au moins les mots qui nous freinent. Faisons le vide avant que la coupe soit pleine. Reprends la main, je veux dire la mienne. Faisons le plein pour fuir loin de la peine. Si ton cœur détale, rupture brutale, moi l'animal, je retiens ma respiration. Je cours à rebours, je guette ton retour dans tous mes états d'âme. Je me fais des films en noir et blanc. J'aurai l'Oscar de l'amant. De l'âme en peine. Je préfère largement l'histoire où tu m'embrasses au hasard. Je rejoue la scène. Oublie au moins les mots qui nous freinent. Faisons le vide avant que la coupe soit pleine. Reprends la main. Je veux dire la mienne. Je compte à rebours, je guette ton retour dans tous

Les quatre autres personnes impliquées sont saines et sauves. Un autre accident est intervenu hier vers 7h du matin, route d'Agville à Étrépagny. Une voiture a fait des tonneaux. Un des deux occupants, un trentenaire, a été éjecté. Grièvement blessé, il a été transporté en urgence absolue par les secours au CHU de Rouen. On poursuit avec le reportage d'Alexandre Léno. Les grosses chaleurs estivales n'épargnent pas non plus les sans-abri qui doivent se prémunir contre les températures très élevées cet été. Alors le SAMU social à Rouen organise actuellement des maraudes, tout comme en hiver. Si les soupes et le café sont toujours de rigueur, c'est bien l'eau qu'il faut distribuer en priorité, même si les moyens manquent. Précision de Dominique Lassenet, vice-présidente du SAMU social à Rouen. Malheureusement, on n'a pas de petites bouteilles. On a des grandes bouteilles d'un litre et demi. On sert l'eau au verre. Et c'est comme ça qu'on pratique. Sauf quand c'est une famille où on donne la bouteille. On n'a pas les moyens de donner des bouteilles tous les deux jours à 180 personnes. Mais en ce moment, on a un petit peu de mal à avoir des bénévoles. Hein. L'été et la faim restent toujours un problème pour les personnes démunies. Des denrées alimentaires sont donc toujours distribuées. On a tout ce qu'il faut, des sandwichs, du café. Quand on a un yaourt, on donne un yaourt. Quand on a un fruit, on donne un fruit. On a de la soupe, ça leur fait du bien, malgré que ça soit une soupe chaude. Ils ont quand même faim de toute façon. Des personnes en difficulté qui sont plus nombreuses dans les rues en période estivale, un phénomène récurrent selon Dominique Lassenet. On en voit des nouveaux, il y en a qui disparaissent, ils reviennent, ça bouge. Mais on s'aperçoit quand même que depuis un an, été comme hiver, il y a beaucoup de monde. Cet hiver, on avait 120 personnes le soir. En ce moment, on en a jusqu'à 170, 180. Hein. Des maraudes pédestres ont lieu dès ce soir. À partir de demain, le bus du SAMU social reprend son parcours dans les jardins de l'hôtel de ville, la gare de Rouen et le quartier Saint-Sever. On poursuit à Évreux ce lundi matin avant l'ouverture. L'enseigne Carrefour City, place Clémenceau, a fait l'objet d'un braquage. À 6h50, un homme armé d'un pistolet dont on ignore s'il était factice ou réel a menacé la gérante et les deux employés présents. Particulièrement décidé, le braqueur est reparti avec quelques espèces en poche. Le temps des premières constatations policières, l'enseigne est restée fermée jusqu'à 13h30. Une enquête est ouverte. L'exploitation des bandes de vidéosurveillance devrait permettre d'obtenir quelques éléments. Les premiers équipements du radar tronçon situés à la sortie de Vernon sur la départementale 181 en direction de Gisors ont été récemment vandalisés. Depuis quelques jours, de la peinture orange masque les caméras et flashs du radar, les rendant vraisemblablement inopérants. Contrairement aux radars fixes traditionnels, les radars tronçons font moins souvent les frais de tels actes du fait qu'ils sont installés à environ 2,50 m de hauteur. Et pour conclure, un sauvetage inhabituel. Hier matin, une vache a fait une chute dans une fosse à lisier de 250 mètres cubes remplie d'eau à la Trinité de Réville, près de Broglie. Elle a été secourue par les pompiers. Une équipe animalière et des plongeurs sont intervenus rapidement. L'eau a été pompée pour éviter que l'animal ne se noie. La vache a été sanglée puis évacuée à l'aide de la fourche d'un tracteur. Elle est saine et sauve. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Pour ce mardi matin, sur le département de l'Eure, la Gloroise et le Pays d'Auge, Météo France prévoit toujours un grand et large soleil, accompagné d'un mercure qui indiquera déjà 27 degrés à Pont-Audemer, 28 sur la Gloroise, également à Bernay et Cormeil, 29 à Évreux et au Neubourg, 30 à Rugles, Louviers, Vernon, Gisors. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Écoutez, Espace, la plus normande des radios. Your heart, heavy on your mind, wandering the streets tonight. If you're looking for a home, you are not alone. I can be your guiding light, 'cause I promise you I'm a dreamer too. Heavy on my heart, wandering the streets tonight. Espace, la plus normande des radios. On s'est croisé au hasard, c'est fou, il est si tard. Dis-moi, comment vas-tu? Qu'est-ce que t'es devenu? Sur les bords du canal, ton sourire m'a fait mal. T'es comme l'été dernier, tu ne reviendras plus. Traverser le passé, t'offrir une cigarette et lire dans tes pensées si on allait faire la fête. Je ne connais pas ton nom, mais je n'ai qu'une seule question. Qu'est-ce que tu fais les 100 prochaines années? C'était hier, on prenait les routes à l'envers. C'était hier, on s'aimait tout le temps. C'était l'hiver, on caillait sous le réverbère. C'était l'hiver, à le maudit printemps. Voyage sur les bords, le naufrage. Ma vie est un peu creuse. Et toi, es-tu heureuse? Pardonne-moi, j'en dis trop. Je me tairai bientôt. Le reflet de l'histoire me revient en miroir. Traverser le passé, juste pour changer d'air. Si tu n'es pas pressé, prenons un dernier verre. La peine a débordé, on a chacun la sienne. Qu'est-ce que tu fais les quelques heures qui viennent? C'était hier, on prenait les routes à l'envers. C'était hier, on s'aimait tout le temps. C'était l'hiver, on caillait sous le réverbère. C'était l'hiver, à le maudit printemps. Traverser, traverser le passé, renverse le futur, retenter l'aventure, enfin se laisser traverser, soigner la blessure, je voudrais connaître. C'était hier, on prenait les routes à l'envers. C'était hier, on s'aimait tout le temps. C'était l'hiver, on caillait sous le réverbère. C'était l'hiver, à le maudit printemps. Chevalerot, agent Peugeot, les Andelys, entretien, réparation, mécanique et carrosserie, peinture de votre véhicule, quelle que soit sa marque. Garage Chevalerot, c'est aussi le remplacement et la réparation des vitrages, quelle que soit votre assurance, car c'est vous qui choisissez votre réparateur. Réparateur agréé, véhicule électrique et hybride, service entretien et recharge climatisation. Votre agent Peugeot, les Andelys, vente de véhicules neufs et d'occasion. Garage Chevalerot, agent Peugeot, les Andelys, 17 rue Henri Rémy, ouvert du mardi au vendredi, de 8h à midi et de 13h30 à 18h. Le samedi, de 8h à 13h. Pour toute information et pour tout rendez-vous, 02 32 64 36 36. Garage Chevalerot, agent Peugeot, les Andelys, vous souhaite une bonne route. faut pas qu'on se plante. Paysagiste qualifié, entretien espace vert, création de jardin, élagage, pose de clôture. Faut pas qu'on se plante, c'est aussi un pépiniériste producteur local et un large choix de végétaux de qualité et de nécessaires pour le jardin, en boutique à Pont-Saint-Pierre. Faut pas qu'on se plante, est présent sur la vallée de l'Andelle et l'Aglo de Rouen. Faut pas qu'on se plante, mais à votre disposition une équipe passionnée et à votre écoute. Faut pas qu'on se plante, 48 bis rue René Raban, Pont-Saint-Pierre. 06 64 38 14 60. Connect Plus, informatique et nouvelles technologies. Votre magasin d'informatique, réparation toute marque à Louviers. Vente, maintenance, service, conseil. PC bureau et portable, périphérique, internet. Ouvert du lundi au vendredi, 9h30, 12h30, 14h, 19h. Et le samedi non-stop, 9h30, 18h. Info, contact at connect-plus.fr. Connect Plus, 20 place du Champ-de-Ville à Louviers. 02 32 25 42 30. Retour des meilleurs tubes. Dans quelques secondes. Sur Espace. Rendez-vous les 11 et 12 août pour la Saint-Laurent à Beauvoir-en-Lyons. Samedi 11 août, foire à tout. Retraite au flambeau, élection Miss Beauvoir. 23h, feu d'artifice et bal gratuit. Dimanche 12 août, 15h, grand corso fleuri. 20h, dîner spectacle cabaret avec BM Compagnie. Réservation et règlement au 06 52 67 09 59 avant le mercredi 8 août. Fête foraine pendant ces deux jours. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, your song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than ever. Shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Thank you. Espace, les avocats vous conseillent. Bonjour, alors Cocconi, avocat, nous allons aujourd'hui aborder la question de la mutation professionnelle. L'employeur peut en effet imposer au salarié un changement de son lieu de travail, soit dans le cadre de son pouvoir de direction, soit en application d'une clause de mobilité. Cette mutation géographique est toutefois strictement encadrée pour préserver les droits des salariés. Il faut savoir que le lieu de travail n'est pas un élément essentiel du contrat de travail, sauf si cela est expressément prévu par ce même contrat ou par une convention de branche. Il peut alors être modifié par l'employeur sans l'accord du salarié dans le cadre de son pouvoir de direction, à condition que la mutation intervienne dans le secteur géographique dans lequel travaillait jusqu'alors le salarié ou si le changement d'affectation, même en dehors de ce secteur géographique, présente un caractère exceptionnel, temporaire et que l'intérêt de l'entreprise le justifie. La notion de secteur géographique n'a pas été précisément définie et les juges doivent apprécier au cas par cas l'étendue du secteur géographique d'origine. Si le contrat de travail prévoit une clause de mobilité, le salarié est tenu d'accepter la nouvelle affectation décidée par l'employeur dans les limites de cette clause et cette clause doit répondre à des conditions de validité très strictes. La clause de mobilité ne se présume pas, elle doit être écrite et acceptée par le salarié. Par ailleurs, l'employeur ne peut pas faire un usage abusif de la clause de mobilité ni agir avec légèreté blâmable dans son usage. La mise en œuvre de la clause ne peut pas non plus porter atteinte aux droits du salarié à une vie personnelle et familiale. Tour des tubes. Écoutez ça. Jazzy, la prod ne t'appartient pas. Elle n'a que 16 ans. Elle veut déjà se marier. Elle est métissée. Sa mère est française et son père antillais. De son jeune âge, elle collectionne les hommes par milliers. Mais elle sait pas qu'on la connaît dans tout quartier. Ah ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah ah, bazardeux. Eh, elle est bazardeux. Ah ah, bazardeux. Eh, elle est bazardeux. Elle fait rien à la maison, allongée sur son lit, et ça toutes les saisons. Fixe le mur comme en prison, manque de respect à sa mère, comme si elle avait raison. Arrête ça ma petite fille, ce que tu fais ça nous fait du mal et ça paye pas. Prendre une décision, la laisser partir hors de question, ça je ne peux pas. À présent tu resteras ici, je t'enferme à la maison. On verra qui a raison, je déconnecte la wifi, faut revenir à la raison. Ah ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah ah, bazardeux. Eh, elle est bazardeuse. Ah, ah, bazardeuse. Eh, elle est bazardeuse. Elle s'enfuit de la maison, plein sur le lit, elle enfuit son blouson. Les parents sous pression, elle a cassé sa puce, et là ils font la liaison. Ses parents paniquent, là c'est grave. Petite princesse est partie sous ses draps. On connaît la vie et ses drames. Une soirée arrosée, la gauve, va maintenant t'es enceinte. Mais non, on t'avait dit, mais non. Où est ton homme? Il t'a laissé, où est ton homme? Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeuse. Ah, ah, bazardeuse. Ah, elle est bazardeuse. Ah, ah, bazardeuse. Eh, elle est bazardeuse. Ah, ah, bazardeuse. Eh, elle est bazardeuse. Ah, bazardeuse. Les problèmes ne vont pas tarder. Tout est gâché. Je laisse le futur s'en charger. La vie un combat, ce n'est pas le paradis. L'avenir, je le vois pas. Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Eh, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Eh, elle est bazardeux. Bazardeux. Elle est bazardeux. Bazardeux. Immobilière Normande. Groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le lundi 6 août. Ce soir sur TF1, notre copine Joséphine Ange Gardien est dans la téloge. Mais attention, hein, que des rediffs. Ce soir, Papa et Chippendales. Bon, ben elle va encore se rincer l'œil, la Joséphine. Et puis, tâter du muscle, elle ne va pas se gêner. France 2 Motivée, c'est une série policière comme chaque semaine, avec que des inédits. Et comme toujours, ne vous inquiétez pas, hein, y a des enquêtes, il y a des gentils. Ils trouvent toujours les méchants à la fin, donc pas la peine d'angoisser devant la télé. France 3, Plus belle la vie, l'intégrale. J'ai autant envie de regarder ça que de bouffer de la tête de veau, hein, ou d'aller faire une prise de sang, voire du parachute ascensionnel. Mais non, bon, moi j'accepte. Vous êtes nombreux à regarder, ça cartonne. Donc, faut que ce soit en prime. Oui, je sais être humain de temps en temps. Canal, Guyane, la série qui se passe en Guyane, hein, avec des jeunes qui partent faire des missions humanitaires. Arte, l'homme des vallées perdues, c'est un western, donc comme toujours, le même concept, hein, des chevaux, des mecs avec des Santiago, de la poussière et des filles avec des robes à froufrous. M6, une comédie, la reine du ring. Marie-Lou Berry et Nathalie Baye sont au casting. L'histoire d'une femme qui sort de prison et pour renouer avec son fils de 11 ans qui refuse de la voir et qui est fan de catch, elle décide de monter une équipe de catch féminine pour se rapprocher de lui. Le meilleur de la TNT, C8, une soirée Fernandelle, l'Auberge Rouge en première partie de soirée et Don Camillo en Russie en seconde. W9, franchement. Michael Youn est un comédien avec beaucoup de talent, mais ce film-là, il aurait pu s'en passer. C'est quand même une grosse bouse, les 11 commandements. TFX appel d'urgence avec que des rediffs toute la soirée. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande. Groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. The best of the 90s. Écoutez, un pur son 90. Espace. Hey, du haut de la capitale d'Alaska, avec ma dédicace à tous les jeunes débrouillards. Car j'en vois et j'en entends trop qui pleurent sur leur sort. Mais mec, lève-toi, bats-toi et n'attends les autres personnes. On est dans le zone, Kali arrête, comme à la reine, les voix nous pas capèdes. Savent d'être marron sans larmes et sans dégenouiller. Et savent que d'action nous exprimer des actions guerriers. Débrouillard, pas péché. Jeune homme, lève-toi, bats-toi. L'avenir appartient à celui qui s'impose et qui ne baisse pas les bras. Même si t'en as assez, puis tu dors sur toi-même. Et plus il est difficile de se relever. Jeune homme, lève-toi, bats-toi. L'avenir appartient à celui qui s'impose et qui ne baisse. Certains jeunes qui ne font que pleurnicher. Ils ont à peine 20 ans et à la vie sont déjà dégoûtés. Disant que quand tu vis dans le ghetto, tu vis dans le désespoir. Disant que quand tu vis dans le ghetto, il n'y a aucun espoir. Mais stop tes histoires de cauchemars. J'ai grandi comme toi dans les cités dortoirs. Là où beaucoup de jeunes sont arabes ou noirs. Là où beaucoup de jeunes sont de vrais lascars. Leur papa travaille dur pour une paye de smicard. Leur maman travaille dur et rentre tard le soir. Mais pour survivre il faut être débrouillard. Ne pas s'apitoyer sur son sort. Ne pas être un pleurnichard. Jeune homme, lève-toi, bats-toi. L'avenir appartient à celui qui s'impose et qui ne baisse pas les bras. Même si t'en as assez, puis tu dors sur toi-même. Et puis il est difficile de se relever. Jeune homme, lève-toi, bats-toi. L'avenir appartient à celui qui s'impose et qui ne baisse pas les bras. Même si t'en as assez, puis tu dors sur toi-même. Et puis il est difficile de se relever. Que le système l'ont mauvais. Tout le monde ça va dans la vie, y'a rien pas aisé. C'est pas en raison pour quitter quand on allait. Hérité y'a si ce qu'a plairé. En morceau ou en gâteau à chaîne pour faut qu'on trappe. Vite pour sa guitare en chaîne pour pas arrêter si c'est. Y'a toujours dit moi les y'en nomme les IP. Pour y faire faut qu'on niquer. J'ai mis route pour y'a dans la vie, y'a m'été qu'en soldat. Qu'on cueille pour la Chine, courage ou pas faire ça. Fois fort pas faire. C'est bon, j'ai nous pas fait au président là. Cherchez la baguette, vous faites, on les compare et pas. On les personnes, pas même l'État, on les prend, bon, faut qu'on compte. Pas là pour écosser, pas là pour avancer. Et des bons faillants, pas gagner, puis qu'on va jouer guérir. Oh, yeah. Jeune homme, lève-toi, bats-toi. L'avenir appartient à celui qui s'impose et qui ne baisse pas les bras. Même si t'en as assez, plus tu dors sur toi-même, et plus il est difficile de se relever. Jeune

You've been on my mind, and I know it's bad timing to say everything I feel, and it's probably surprising. It's been too long, and I heard that you moved on, but I just need to let you know I pushed you away when your heart was right here, and now it's haunting me. I've been meaning to tell you, oh na na na na, I've been meaning to tell you. In the lie, I thought that I'd ride it out till the train finally tipped on its side. That's when I knew I couldn't hide. That's when the trouble arrived. Then came the bitter reminder that you were no longer mine. Oh, it's been too long, and I heard that you moved on, but I just need to let you know. I pushed you away when your heart was right here, and now it's haunting me. I've been meaning to tell. Espace, soyez sport. Salut à tous, voici vos résultats sportifs du week-end. En football, vendredi soir, pour la deuxième journée de Ligue 2, les Havrais accueillaient les Grenoblois au stade Océane. Les Ciel et Marines se sont montrés trop peu offensifs dans ce match et ont perdu sur le score de 1 à 0. Pourtant, les Sénomarins ont eu quelques belles occasions de revenir au score sans parvenir à mener à bien leurs actions jusqu'au bout. Une première alerte pour le HAC après un nul la semaine passée. Et puis, reprise de la saison régulière de National 1 pour les joueurs de Quevilly-Rouen Métropole, les Normands relégués après une saison éclair et laborieuse en Ligue 2. Les Sénomarins semblent être encore en quête d'alchimie pour la reprise des matchs officiels. Vendredi soir, en Mayenne, les Normands ont concédé un match nul 1-1 face à leurs homologues de Laval. À la 84e minute, Steve Chamal, le nouvel attaquant de QRM, a marqué avec un poteau rentrant. Mais à la 90e minute, une faute de Louis Souchot a offert un pénalty aux Lavallois qui ont marqué et égalisé. Et puis en athlétisme, les championnats d'Europe commencent aujourd'hui à Berlin. Sur le tartan, 4 Normands, parmi eux 2 Sénomarins, sont affiliés au stade Sotteville. Il s'agit de Marion Lotou, retenue pour l'épreuve de saut à la perche, et de Maïdin Mekissi, qui courra le 5000 mètres et le 3000 mètres steeple. Côté Euroi, Mickaël Mébazézé, originaire de Val-de-Reuil, est longtemps licencié dans son club d'enfance avant de rejoindre Marseille dernièrement, s'alignera sur le 200 mètres et le 4x100 mètres. Enfin, Mamoudou Eliamanané de Vernon participera au 4x400 mètres. Espace. Retour des tubes. Écoutez ça. Te confieso, llevo un rato idealizándote. Toda una vida yo buscándote. No sé qué hacer. Te ves muy bien. Me acercaré. Te confieso que lo mío no es realmente hablar. Soy algo tímido, como verás. Pero esta vez me atreveré. Te lo diré. que me tienes como un loco enamorado. Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado. Ven que lo demás yo te lo digo bailando. Pégate, yeah, yeah. Y es que ahora ya no sales de mi mente. Ando por aquí pensando en ti frecuentemente. ¿Será que lo que siento tú también por mí lo sientes? Pégate, yeah. Sabes que soy yo. Eso me motiva, bailar un reggaetón de los de antes que te activa. De eso que se baila lento, bien pegado, afincado. Dice lo Farro. Que me tienes como un loco enamorado. Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado. Porque lo demás yo te lo digo bailando. Pégate, yeah, yeah. Es que ahora ya no sales de mi mente. Ando por aquí pensando en ti frecuentemente. Será que lo que siento tú también por mí lo sientes, yeah. Pégate. Sabes que soy yo. Sabe que me encantas, bailalo lento, que eso a mí me mata. Dale mamacita, que no tengo prisa. Hagamos esta noche una noche infinita. No digas que te vas, busquemos un lugar. Que no haya nadie, solo haya oscuridad. Y bésame lento, paremos el tiempo. Oye, tú me tienes como loco enamorado. Baby, la verdad que tú me gustas demasiado. Ven que lo demás yo te lo digo. Les histoires d'amitié ça fait mal. J'ai vu des frères y laisser leur vie au final. Oui, quand le diable s'en mêle, il dira t'es le seul à pouvoir aller au sommet. J'ai voulu soulager mon ego. Je me répète, je voulais pas faire de mal à mon frérot. On a fait les 400 coups. Tout ce qui se passe autour de moi, mes vrais gars s'en foutent. Ensemble depuis tout petit, mon cœur se resserre à l'idée qu'on est devenu ennemi. Des hommes aujourd'hui c'est plus la même, mon ami, je suis devenu un père de famille. Ego, pas devant les frérots. Je voulais juste un frérot. Pas faire du mal à mon frérot. Oh mon ego, dites-le moi si j'en fais trop. Devrais-je repartir à zéro? Pas faire du mal à mon frérot. Frérot. années sont passées. On me dit que ta fille va bientôt rentrer au lycée. Elle doit être trop belle. Connaît-elle notre histoire, nos liens fraternels? Je sais que mes rêves m'ont éloigné, mais pour toucher les étoiles, faut savoir s'envoler. Ça me fait de la peine quand tu penses que j'ai changé pour de l'oseille. Un vrai frère ne doute pas du cœur des frères, surtout quand il se bat pour s'en sortir. Avec tout ce qu'on a traversé, j'espère que la vie a prévu de nous réunir. Mon ego, pas devant les frérots. Je voulais juste un vrai rôle, pas faire du mal à mon frérot. Oh mon ego, dites-le moi si j'en fais trop. Devrais-je repartir à zéro, pas faire du mal à mon frérot. Mais ce n'était pas mon intention, mon frérot. Pardonne-moi si je t'ai blessé. Pardonne-moi si je t'ai touché. Mais quoi qu'il arrive, tu resteras mon frérot. Mon ego, pas devant les frérots. Je voulais juste un vrai rôle. Va faire du mal à mon frérot. Écoutez le meilleur des souvenirs. I'm not afraid to

Normandie vous accompagne avec Atout Normandie. Lycéen ou apprenti, bénéficiez d'aide pour votre formation sur simple demande. Vous avez entre 15 et 25 ans? Après une adhésion de 10 euros, profitez de plus de 100 euros d'avantages loisirs. Aller au cinéma ou au spectacle, faire du sport, partir à l'étranger. Comment faire? Connectez-vous sur atout.normandie.fr, créez votre compte et demandez vos avantages. Ensuite, rendez-vous chez tous les partenaires Atout Normandie avec votre QR code à partir du 1er juillet. Info sur atout.normandie.fr. Avant, je partais faire du jogging. Je ne prenais aucune précaution. Et avec tout ce qu'on entend, je me suis équipé d'un choqueur électrique. Moi, je fais des promenades en forêt. J'ai acheté une bombe lacrymogène. Avec l'armurerie Gilles Henry, protégez-vous individuellement. Arme à blanc, arme avec balle en caoutchouc, matraque électrique et bien d'autres. N'hésitez pas à nous consulter en boutique. L'armurerie Gilles Henry, c'est aussi l'affûtage et la vente de couteaux pour particuliers et professionnels. Découvrez une sélection de coffrets et kits pour le rasage et le soin de la barbe. L'armurerie Gilles Henry, c'est aussi une large gamme de vêtements de qualité pour tous les jours. Armurerie Gilles Henry, 29 rue du Général de Gaulle à Louviers et sur www.pisteur.fr ou 02 32 40 01 84. Allo Matériaux, fabricant de parpaings et négoce de matériaux pour la construction ou la rénovation de votre habitation. Du gros œuvre à la finition et pour l'aménagement de votre extérieur. Ouvert du lundi au samedi pour les professionnels et les particuliers. Allo Matériaux, spécialiste de pierres naturelles. Venez découvrir notre expo aménagement extérieur, mais aussi notre nouveau showroom parquet et carrelage intérieur. Allo Matériaux vous propose la livraison à domicile et, nouveauté, un service de location de matériel. Devis gratuit, facilité de paiement en 3 fois sans frais. Allo Matériaux, 1 rue de la Briqueterie à Ailly, 02 32 53 40 28. Garage Chevalereau, agent Peugeot Les Andelys, entretien, réparation, mécanique et carrosserie, peinture de votre véhicule, quelle que soit sa marque. Garage Chevalereau, c'est aussi le remplacement et la réparation des vitrages, quelle que soit votre assurance, car c'est vous qui choisissez votre réparateur. Réparateur agréé véhicule électrique et hybride, service entretien et recharge climatisation. Votre agent Peugeot Les Andelys, vente de véhicules neufs et d'occasion. Garage Chevalereau, agent Peugeot Les Andelys, 17 rue Henri Rémy, ouvert du mardi au vendredi, de 8h à midi et de 13h30 à 18h. Le samedi, de 8h à 13h. Pour toute information et pour tout rendez-vous, 02 32 64 36 36. Garage Chevalereau, agent Peugeot, Les Andelys vous souhaite une bonne route. Retour des meilleurs tubes dans quelques secondes sur Espace. L'abbaye de Mortemer, près de Lyons-la-Forêt, est ouverte du 1er avril au 31 août, tous les jours de 11h à 18h. En basse saison, elle est ouverte le week-end de 13h30 à 18h. Fermeture en décembre. Plusieurs manifestations sont également à découvrir. En juillet, le spectacle Mathilde Lempresse, les 14, 15, 21 et 22. En août, le 20e anniversaire des fêtes médiévales, les 14 et 15. En septembre, les Nuits des fantômes, les 1er, 8, 15, 22, 29. Renseignements au 02 32 49 54 34 mortemer@orange.fr abbaye-2-mortemer.fr. La plus normande des radios, Espace Radio. You say you love me, I say you crazy, when nothing than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned with them, don't be impolite. Haven't I made it clear? We're just friends. So don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going away without a fight. You can be reasoned with them, don't be impolite. I told you once, two, three, four, five, 6,000 times. Haven't I made it obvious? This is our nirvana. Don't stop until it's over.